Donc, en fait, c'est le tout début de la bande vidéo, La lutte des femmes à Lippe et ailleurs, de 75, donc qu'on va montrer. Ça dure 5 minutes. Juin 75. Voici presque un an que la lutte des Lippe est terminée et quelques mois seulement que les derniers ouvriers sont réembauchés. Durant ce fantastique échange d'idées qu'a réalisé le conflit des Lippe, les femmes ont été présentes à part entière et ont pris autant de responsabilités que les hommes. Mais pourquoi leurs problèmes spécifiques n'ont-ils pas été pris en considération? C'est pour en discuter que des femmes de Lippe se sont réunies pendant plusieurs mois, toutes les semaines, chez les unes, chez les autres. Elles étaient une vingtaine, des OS surtout, des secrétaires, des OP, l'assistante sociale et des femmes de militants de Lippe. Elles avaient vécu quelque chose de formidable qu'il fallait qu'elles écrivent. Elles ont enregistré les discussions, retranscrit les dialogues et mis au point ensemble cette brochure qui est leur lutte au féminin. Elle sera vendue à des milliers d'exemplaires dans le monde entier. Sa diffusion a suscité l'organisation de nombreux débats un peu partout en France, dans des usines, dans des quartiers. À Lyon, en juin, 80 participantes, parmi lesquelles une délégation de 5 camarades de Lippe, une délégation de 8 camarades de la Thomson CSF de Grenoble, où travaille une majorité de femmes OS, une camarade du MLAC de Gennevilliers, et d'autres femmes d'autres secteurs venues des hôpitaux, des PTT, de l'Institut Pasteur, etc. Il y a les ça a l'air de marcher d'être important le groupe femmes à Lille, mais c'est quand même, il y a quand même une situation particulière qui permet aussi que le groupe femmes existe. Mais de façon générale, quand on essaye de monter un groupe femmes dans une boîte, on se sert des difficultés. Il n'est pas reconnu par le syndicat, il n'est pas reconnu comme interlocuteur. Quand on arrive, les copines sur la arrivent à regrouper des femmes, on n'arrive pas à intervenir réellement sur la boîte, à sortir, disons, du groupe en soi. Et ça, je crois que c'est un vrai problème, quoi. Comment aujourd'hui, disons, quel est le lieu où on peut le mieux mobiliser les femmes et les mobiliser aussi sur leurs problèmes en faisant ça, qu'elles se retrouvent entre elles. Et je crois que c'est ça un peu le gros problème, parce que c'était, y compris, bon, ce qui était à l'heure du jour aujourd'hui, enfin, ce qui était marqué sur papier, c'est quel peut être le rôle d'un groupe femme dans une entreprise. Et je crois que c'est vrai que ça reste encore plus difficile, parce que de ne pas reconnaître vraiment. On parle toujours des groupes d'entreprise, mais les femmes qui restent à la maison, on n'en parle pas beaucoup. Alors que c'est là le nœud du problème en réalité, parce que c'est vraiment celles qui sont le plus aliénées par double aliénation, en fait, c'est dingue. Moi j'ai plus envie de parler d'elles presque, parce que je veux dire, les autres, il y a déjà un déclenchement qui s'est fait grâce à des tas de copines, mais je veux dire que ça, alors celles-là, c'est vraiment les laissées pour compte, c'est un peu comme les prostituées, quoi, on n'en parle pas là. Mais je veux dire que moi, j'ai vachement envie de parler de ça, parce que quand j'ai entendu des mots comme jalousie tout à l'heure, ça m'a fait bondir. Bon sang, on reproduit exactement ce que les hommes désirent comme nous on dit ça. Parce que, en fin de compte, on ne fait rien. Moi, je sais, je suis un groupe, je suis de Geneviève, je l'ai déjà dit, je le redis. Et je vous assure que vous me parliez tout à l'heure du problème de l'importance des délégués syndicaux, les mâles, les beaux, etc. Mais dans votre vie de tous les jours, moi, je connaissais ça. J'avais un mari, il est très gentil, hein, il serait là, je lui dirais pareil. Mais alors c'était formidable, j'arrivais à la maison, il y avait des réunions, ils bavardaient entre eux, c'était formidable. Et moi, qu'est-ce que j'avais? Chaque fois que je disais un mot, il fallait que je me taise parce que j'y connaissais rien. Je pouvais pas. Bon, alors un jour, j'en ai vraiment eu ras-le-bol avec des copines. J'ai dit, écoutez, il va falloir qu'un jour ça change. On va se réunir, alors on s'est réunis, il y avait Agnès, il y avait ta fille. Et puis on s'est mis dans un local, et puis on s'est mis à lire, manifeste parti communiste, un certain nombre de choses, puis on s'est aperçu qu'on était pas plus con que d'autres. Puis alors maintenant, quand ils commencent à dire leur machin, on leur dit c'est pas ça, parce que nous on a lu, par exemple, la gueule, c'est un certain nombre de choses. Alors quand ils parlent de la famille, tiens, on les a drôlement en tournant. Et que, bon, mais non, mais ça nous a donné une force. Il y a des filles qui, à la suite de ça, on a pu discuter un peu mieux avec nos voisines, qui sont des femmes qui ne travaillent pas. Et puis entre nous, ça nous a remis en question dans notre... Moi je suis assez vieille, parce que j'ai 42 ans, je n'avais jamais réfléchi à tout ça, il faut dire. Alors bon, d'un seul coup, je me suis dit, mais c'est drôlement important qu'au maximum, on arrive, dans un premier temps tout au moins, à avoir une force. Et moi je crois que pourquoi, en général, on est jaloux les uns des autres, c'est que nous, depuis qu'on est ensemble, je trouve qu'il y a un amour absolument extraordinaire de nous, femmes, entre nous. Et nous, le groupe, c'est vraiment... Mais on vit les problèmes de l'une ou de l'autre intensément, parce qu'on s'aime bien. Et je vous assure, bon, il peut arriver des tas de choses, une peut devenir ci ou ça. Je vous assure, la jalousie disparaît. Hein, à partir du moment... Et si les hommes, en général, on dit qu'ils sont moins jaloux, c'est parce qu'ils ont eu la chance, entre eux, de pouvoir discuter, d'avoir cette espèce de fraternité, cette vie de groupe, que nous, on n'avait jamais eue. Et c'est une force absolument indestructible. La vie de groupe, la vie de pouvoir échanger, de pouvoir se dire, bon, bah, 7 à 8, on s'occupe de rien, les courses, ils s'en occupent, etc. Moi, je suis là, dans mon local, en train de discuter aussi des problèmes entre nous. Ça nous a donné une force formidable.